Les acolytes 2010, R2N, c'est qui dans ta gueule. Inscred, on fait jamais les choses à moitié. Inscred, on fait pas mal la richesse, on fait que la maté. Inscred, dans l'homme ça n'a ses problèmes dans la tête. Inscred, jamais cramé mais toujours mal à la tête. Inscred, nuance, pas caché mais pas ton nez dans nos affaires. Où tu finiras attaché. Inscred, ça t'écoute. L'album de AK, sache que les acolytes tiennent dans des coups. Pourtant je viens pas des blocs nord et des putains de rimes, j'en ai écrit plein le bloc-notes. En secrète comme cette horreur qui se met plein de maquillage. En secrète ça fait des thunes mais c'est loin de la Cadillac. En secrète ça fume de la yard, des fois il se passe des trucs pas nets. Un peu comme la toffe de 25 kills et le poisson pané. Bref, fais gaffe en secrète, des fois tu te crées des problèmes. Tu rencontres des gens bizarres et peu à peu tu crèves du pollen. Tu connais la galère de la rue, la galère de l'allure. Certains restent, les autres la galette dans la lure. Attendez que je vous allume, vous n'avez pas été réglo. On va vous péter la muse pour ça, pas besoin de sortir les glos. En secrète, tout petit, je m'entraînais à faire de bons centres. Aujourd'hui, je médite en scred afin de trouver le bon sens. On m'a dit le contraire, on m'a dit freine du monde. Sache que scred, je le resterai jusqu'à la fin du monde. En scred, on fait jamais les choses à moitié. En scred, on fait pas mal la richesse, on fait que la maté. En scred, dans l'homme, ça n'a ses problèmes dans la tête. En scred, jamais cramé, mais toujours malade la tête. En scred, nuance, pas caché, mais pas ton nez dans nos affaires. Où tu finiras attaché. En scred, ça t'écoute. L'album de AK, sache que les acolytes traînent dans des coins bien trop mal. Je me mets à l'écart de tous. S'il y en a un qui s'approche de mes gars, je démarre au quart de tour. Posé à l'écart de vous, parce que je préfère la garde à vue plutôt que me mettre au garde à vous. Je plierai à la règle de personne. Je préfère me fumer mes spliffs perso, mais du super son. C'est notre nature depuis le berceau. Toujours posé en scred, je te l'avoue, mais il s'avère que c'est le seul truc que l'on s'avoue. En scred, toujours posé entre mecs. Sans amour, avec un goût amer dans la bouche. Les mains dans la merde, les pieds dans la boue. Trop différent des autres, dans nos vies c'est le désordre. Moi on assume comme de vrais hommes, aucun trésor. Seul le shit et l'alcool nous désole. Essayer de voler une voiture en scred, de prendre une balle qui fait que tu en crèves. Faire un braquage avec une arme qui est en règle. T'as fait le gros lot, nombreux sont ceux qui en rêvent. En scred, on fait jamais les choses à moitié. En scred, on fait pas mal la richesse, on fait que la maté. En scred, dans l'homme ça n'a ses problèmes dans la tête. En scred, jamais cramé mais toujours malade la tête. En scred, nuance, pas caché mais pas ton nez dans nos affaires. Où tu finiras attaché. En scred, ça t'écoute. L'album de AK, sache que les acolytes traînent dans des coins bien trop macabres. 25 killers, 2N, toujours en scred. C'est en secret bonhomme que nos affaires ont les règles. On se mettra jamais aux normes que nos rêves ils nous les règlent. C'est 25 killers, 2N, t'inquiète ça c'est pour les règles. C'est à l'écart en secret que nous menons les rênes. Les queflis on les esquive, on fait que ça depuis gamin. Ne balance pas où je traîne, où je te coupe les ligaments. Les queflis on les esquive, on fait que ça depuis gamin. Ne balance pas où je traîne, où je te coupe les ligaments. C'est en secret bonhomme que nos affaires nous ont les règles. On se mettra jamais aux normes vu que nos rêves ils nous les règlent. C'est 25 killers, 2N, t'inquiète ça c'est pour les. C'est à l'écart en scred que nous menons les rêves. En scred, on fait jamais les choses à moitié. En scred, on fait pas de mal la richesse, on fait que la maté. En scred, dans l'homme ça n'a ses problèmes dans la tête. En scred, jamais cramé mais toujours mal à la tête. En scred, nuance, pas caché mais pas ton nez dans nos affaires. Où tu finiras attaché. En scred, ça t'écoute. L'album de AK, ça